Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gamozo 107FM. C'est Chris, il est 14h, presque 14h01 et nous sommes en direct et bienvenue pour cette deuxième édition diffusée de votre nouvelle émission, diffusée les lundis, mardis et mercredis intitulée Fréquence Libre. Le principe ? Il est très simple, 3 émissions en direct par semaine dans lesquelles je recevrai différentes personnes et personnalités de tous les horizons, que ce soit du dessin au graphisme en passant par la musique et j'en passe. Et pour ce nouveau numéro, je reçois Nicolas Grivel, agent littéraire. Bonjour Nicolas. Bonjour Chris. Comment ça va ? Bonjour à tous. Bah écoutez, ça va bien, la neige est bien présente, le décor est magnifique, donc voilà, tout va bien. D'accord, donc tout d'abord, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? Alors, je m'appelle Nicolas Grivel, mon travail est peu connu, c'est celui d'agent littéraire. En résumé, c'est assez simple, c'est mon travail, c'est de présenter les bons projets en bande dessinée, représente des auteurs, autrices, et c'est de leur trouver des éditeurs. Donc ça sera les 10 ans de l'agence littéraire cette année. Et par le passé, en fait, j'étais éditeur dans les mangas pour le groupe Hachette, pour un éditeur qui s'appelle Pika. D'accord. Donc pour expliquer un petit peu le concept de cette émission était prévue à la base pour parler d'une conférence sur la bande dessinée que vous organisiez le samedi 30 janvier prochain, ce samedi à la salle des fêtes de l'Etoli. Malheureusement, cette conférence a été annulée, donc nous avons quand même décidé de maintenir cette émission car nous estimions qu'il aurait été dommage de passer à côté de cela. Est-ce que j'ai tout bon ? Oui, c'est exactement ça, c'est que l'agence littéraire est domiciliée dans la commune du Toli. Moi, je suis très attaché, bien sûr, à tout ce qui se passe dans la vallée, essayer de modestement et avec toute humilité d'essayer d'apporter parfois des conférences, des ateliers autour de la bande dessinée, parce qu'il y a énormément de personnes qui s'intéressent à ce médium dans les différentes vallées vosgiennes. Et malheureusement, la conférence était annulée pour des raisons, tout le monde sait, sanitaire. Mm-hmm. Et je pense que voilà, on arrivera dans quelques temps, dans quelques mois à la reprise. Et puis comme ça, on garde le contact. C'est ça qui est important, c'est de rester disponible et de toujours essayer d'aller de l'avant par rapport à ce qui se passe en ce moment. D'accord. Donc, comme nous le disions, vous êtes agent littéraire et vous avez créé votre agence qui s'appelle Nicolas Grivel Agency, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Donc, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas ce métier, même si vous l'avez un petit peu dit, quel est le rôle, on va dire, approfondi d'un agent littéraire ? En quoi consiste ce métier ? Car je pense, comme vous l'avez dit, que nous puissions dire que le métier d'agent littéraire est un métier plutôt méconnu. Oui, c'est un métier qui est peu connu. Il y a à peu près 25 à 30 agents littéraires en France. Mmh, d'accord. Donc il y a un syndicat des agents littéraires. Donc nous, on fait partie du microcosme de la chaîne du livre. Hein, donc entre les auteurs, autrices, éditeurs, libraires, bibliothécaires, prescripteurs du livre, etc. D'accord. Donc le métier au quotidien, c'est assez simple. Par exemple, aujourd'hui, c'est... Une journée type, c'est réception de manuscrits. Donc il y a des auteurs, dessinateurs de par le monde, mais vraiment de tous les pays. Hein. Ça va de la Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Australie, pays africains, Amérique centrale, Europe, bien sûr, Amérique du Nord, qui m'envoient des projets ou des portfolios. D'accord. Donc moi, la première partie de mon travail, c'est de lire, de filtrer, de sentir les choses et de dire... Tiens, est-ce que c'est des projets que je souhaite accompagner ou pas ? Mmh. Selon le degré aussi d'avancement de certains projets. Et après, auprès des auteurs, c'est de leur dire, il y a des possibilités, pas forcément des publications en français, loin de là, mais de proposer leurs projets pour qu'ils trouvent un éditeur, un financement par rapport à leurs projets qu'ils souhaitent développer. D'accord. Donc les cas sont multiples et variés. D'accord, donc par exemple si nous sommes auteurs et que nous voulons envoyer un manuscrit à une maison d'édition, ça passe d'abord par vous ? Il y a deux cas de figure, c'est que en aucun cas les auteurs sont obligés de travailler avec les agents littéraires. C'est un choix que certains font ou d'autres pas. Certains peuvent le voir comme une plus-value, d'autres pas. En fait, le rôle vraiment de l'agent littéraire, c'est d'être un premier lecteur, donc de faire le travail d'un premier éditeur, de vraiment présenter et savoir travailler sur un manuscrit dès le début, de sentir les choses, d'accord, et aussi de mettre en compétition les éditeurs aussi, afin d'obtenir la somme, la valoir le plus important pour les auteurs. Donc voilà. Et une fois la signature du contrat, pour moi, ce n'est qu'une première étape. C'est que la vie d'un ouvrage, elle se fera en librairie, elle se fera par rapport aux articles qui vont se passer, aux émissions, aux prix, aux nominations. Donc ça, c'est tout un suivi que l'agent littéraire fait sur son travail. Et ça va même sur, entre guillemets, des gestions de carrière. Une dessinatrice avec qui je travaille depuis quelques années, Lily Saune, qui était venu au Toli pour des ateliers et conférences il y a quelques temps, en fait, on réfléchit énormément sur quels sont les projets de livres qui seraient opportuns pour elle de développer cette année, dans un an, dans deux ans, etc. Donc c'est assez multiple l'activité d'agent littéraire. C'est un peu un couteau suisse. D'accord. Est-ce qu'il vous arrive que certaines maisons d'édition vous contactent déjà au préalable avant de recevoir tel ou tel manuscrit ? Ah, ça, c'est une bonne question. C'est que oui, c'est le cas. C'est-à-dire que là, l'agence 2021, créée en 2011, ça fait 10 ans. Donc l'agence commence à avoir une couleur et une reconnaissance chez différents éditeurs, pas uniquement, encore une fois, uniquement franco-belge, mais au Royaume-Uni, aux États-Unis, etc. La démarche, elle est plutôt de me demander, très en amont, de les tenir informés des projets qui sont, entre guillemets, dans les tuyaux que je développe. D'accord. Par exemple, ce matin, vu que tout est dématérialisé, là, c'était des discussions avec un éditeur allemand, une éditrice qui est basée à Londres, un éditeur qui est à Saint-Pétersbourg et qui à chaque fois me disent Nicolas, qu'est-ce que tu as en ce moment qui pourrait nous intéresser ? Donc la démarche, elle est plutôt dans ce sens-là, de vraiment les personnes ont envie de se tenir informées, mais ça a pris du temps, ça a pris des années. Et puis après, il y a aussi des choses, c'est que y a un peu de chance dans tout ceci aussi, mais que ces derniers temps, j'ai quelques ouvrages que j'ai accompagnés qui sont nominés dans différents festivals, dans différents pays. Donc forcément, ça aide également. D'accord. Donc, comme nous le disions, vous avez créé votre agence, la Nicolas Grivel Agency. Et depuis, pourquoi avoir eu envie, de créer cette agence et depuis quand existe-t-elle ? Alors, l'agence a été créée en 2011. L'idée était assez simple, c'est que pendant 7 ans, travailler pour les éditions Pika, mon travail donc c'était de suivre des traductions de mangas venant du Japon, donc des titres comme Jetero, Fairy Tail, L'Attaque des Titans, etc. Mais j'étais pas décisionnaire chez Pika. D'accord. Donc il y avait un directeur éditorial qui choisissait la ligne éditoriale des éditions Pika. Par contre, grâce à lui, j'ai pu apprendre le fait de comment ça fonctionnait, toute la mécanique de l'achat de licences. Et en fait, les éditeurs japonais, Kodansha, Shogakukan, sont représentés par des agences, ce que je fais en ce moment. Donc j'ai appris aussi ce métier à travers les agences japonaises. Et ce qui s'est passé, c'est que le déclic, c'était de me dire que le métier d'agent littéraire, il y avait une liberté qui était supplémentaire par rapport à celui d'éditeur, parce que moi, je suis pas prisonnier, entre guillemets, d'une ligne éditoriale. C'est que Casterman, Dargo, Le Lombard, ils ont une ligne éditoriale. Donc, ils peuvent pas aller sur tous les projets qui les intéressent, alors que moi, je fonctionne au coup de cœur. S'il y a un livre jeunesse qui m'intéresse en bande dessinée, je fais uniquement de la bande dessinée. S'il y a une autobiographie qui me touche, s'il y a un documentaire, un reportage qui me semble intéressant, ou une biographie, je peux l'accompagner parce que je suis pas pris dans une ligne éditoriale. Et c'était un peu le déclic aussi de la création de l'agence, c'était cette recherche de liberté, de pouvoir monter des projets. Donc c'est un peu ça l'essence de la création de l'agence. D'accord. Donc comme vous l'aviez dit, si vous voulez accompagner de la BD, vous l'accompagnez, l'autobiographie pareil, mais vous êtes plutôt, vous, personnellement, spécialisé dans la BD et le roman graphique ? Alors, je fais uniquement bande dessinée et roman graphique. D'accord. Et pourquoi... Je ne fais pas du tout de littérature, je ne fais pas d'album jeunesse, par exemple, mais ce qui est intéressant, c'est que la bande dessinée, depuis quelques années, elle est un carrefour qui est riche. Et en fait, pour vous donner quelques exemples sur les prochains titres qui vont sortir, j'ai accompagné, il y a un livre où on suit la vie d'un correspondant français à Pékin. Mm-hmm. Donc ça s'appellera Robinson à Pékin d'Éric Meyer et Aude Massot. Ça sera chez Dargo Urban Comics. D'accord. Après, ce qui est intéressant, c'est que là, en ce moment, on peut traiter de tous les sujets. Là, on a un projet, j'accompagne un projet sur la contraception masculine. Mm-hmm. Un projet sur la biographie de Jean-Michel Basquiat. Un projet sur les violences conjugales vues à travers une institution qui s'appelle la Maison des Femmes. Donc c'est très très riche. Un projet sur le tatouage. Mm-hmm. Un projet sur... le fait de choisir de vivre dans un habitat qui soit différent et un peu nomade, c'est un peu dans l'air du temps. Donc c'est ça, c'est que le dénominateur commun reste la bande dessinée et le roman graphique, mais que maintenant la richesse de la bande dessinée, ça permet de travailler avec des gens très très différents, qui soit viennent du cinéma, qui viennent de la littérature, mais qui vont vers les codes et la grammaire de la bande dessinée, ou des journalistes qui pensent qu'il y a plus de sens de faire un documentaire, par exemple, comme un documentaire sur les Nations Unies, pas forcément en texte, mais en utilisant la bande dessinée, les séquences et les images. D'accord, donc selon vous, la bande dessinée et le roman graphique, ça permet de représenter au mieux certaines choses, certains domaines. Je pense que ce qui est intéressant, c'est que en France, en tout cas, je pourrais pas dire ça dans tous les pays, c'est que on a un socle. C'est que en France, tout le monde en général, moi c'est mon cas, hein, donc grandi avec les classiques, Tintin, Boulébile, je disais, ma mère faisait les courses au Cora de Remiremont, et, mm-hmm. et en attendant, avec ma sœur jumelle, on lisait des Boulébile, des Astérix, etc. Donc du coup, la bande dessinée, c'est une langue. Donc il y a sa grammaire et sa syntaxe. D'accord. Et donc, vu que les socles sont déjà là, eh ben, en France, et en tout cas en français, eh ben, il n'y a aucun souci de faire des enquêtes, de l'autobiographie, de l'adaptation de romans, parce que la bande dessinée, et aussi grâce, c'est l'un des exemples des fleurons, c'est le festival de bande dessinée d'Angoulême, mm-hmm. en fait, on voit que la bande dessinée, elle touche tous les âges, tous les publics. C'est un peu comme ce que voulait Hergé, hein, son slogan de Casterman, hein, de toucher les lecteurs de 7 à 77 ans. Oui, bien sûr. Bande dessinée, donc là, on arrive à ceci, et on arrive à intéresser vraiment un public qui est assez large et qui a plus peur. Il y a eu énormément de clichés, de stéréotypes sur la bande dessinée. La bande dessinée, au départ, était vue surtout pour la jeunesse. Mm-hmm. Mais après, des livres comme Maus d'Art Spiegelman ou Persepolis, ou en ce moment Riyad Satouf, l'Arabe du futur, on voit qu'elle arrive à cristalliser des lecteurs qui était peut-être au début réfractaire à la bande dessinée. D'accord. Donc c'est une chance en ce moment, c'est vraiment une chance. D'accord, donc comme nous l'avons dit, vous êtes spécialisé dans la BD et le roman graphique, et bien que la BD et le roman graphique soient plus ou moins similaires, quelles sont selon vous les grandes différences entre la BD et le roman graphique ? Ça, c'est très difficile. Ça peut être la réponse un peu comme dans Les Inconnus, qu'est-ce qu'est le bon chasseur ou le mauvais chasseur. Non, plus sérieusement, c'est vrai que le roman graphique, ça part d'Art Spiegelman de Maus. Mm-hmm. Donc c'est un livre qui traite de la Shoah, mais pas uniquement, qui traite des relations conflictuelles entre Art Spiegelman et son père. Le livre était sorti aux États-Unis chez un éditeur qui s'appelle Pantheon, et en fait c'était un éditeur de littérature qui a repris un format roman, d'où le terme roman graphique, et avec une pagination qui était beaucoup plus forte. Donc à partir de là, on a commencé, et Will Eisner avant, et Franz Mazurel avant, on a commencé à parler de roman graphique par rapport à la bande dessinée qui était plutôt vue sur côté enfantin ou jeunesse. Mais là, en ce moment, c'est difficile de séparer les deux, en tout cas en français, ça serait pas tout le même cas dans différents pays, parce que c'est devenu un terme marketing. Chaque éditeur, chaque maison d'édition en général a un département marketing, et c'est plutôt ce terme-là, autour de ce terme-là, où on arrive, où c'est difficile, parce que parfois... dans roman graphique, on va retrouver Alison Bechdel, Fun Home, et on va parfois retrouver Walking Dead ou un livre de Zena et Birachet. Donc c'est assez compliqué en ce moment de voir qu'est-ce qui est en périphérie, en lisière, ou qu'est-ce qui est à l'intérieur. Malheureusement, moi je parle surtout de narration séquentielle. Donc, mais c'est pas du tout marketing, on pourrait pas avoir en librairie une table en disant « voilà, nous vous proposions quelque chose de narratif en séquence ». Donc c'est ça, c'est très difficile maintenant de séparer bande dessinée, manga, comics américains et roman graphique. C'est très complexe. D'accord. Donc parmi nos auditeurs et nos auditrices, peut-être il y en a qui aimeraient devenir agent littéraire, ou peut-être que vous allez créer des vocations. Donc, comment devient-on agent littéraire? Y a-t-il des études particulières à faire? Alors, il n'y a pas exactement de formation pour devenir agent littéraire. Mais bon, je vais prendre un peu mon exemple. Mmh. J'ai fait un IUT, j'ai commencé sans grand succès à faire des études d'histoire à Strasbourg. Après, j'ai fait un IUT métier du livre, parce que mon envie, c'était d'être bibliothécaire. D'accord. Après, je suis parti, donc à l'époque, ça s'appelait un IUP, c'était licence maîtrise, à Grenoble, pour travailler en librairie, donc essayer de se rapprocher de la nouveauté. C'était un peu ça l'axe de recherche. Et travailler quelques temps à la librairie Sorrente de Montpellier, où j'avais appris énormément. Et à la fin de mon cursus universitaire, j'ai fait un DESS, création éditoriale à Clermont-Ferrand. Comme tout le monde, ces études sont mêlées de stages. Là, moi, c'était chez Casterman et une maison d'édition qui s'appelle Vertige Graphique. Donc le parcours... il est celui-ci, ça m'a permis de travailler pour un éditeur de manga qui s'appelle Pika. Mmh. Mais au final, le métier d'agent littéraire, je l'ai appris grâce aux agences japonaises. Donc D'accord. C'est ça qui est difficile, c'est que y a comme une formation entre guillemets continue, mais qui se fait selon le poste que vous occupez dans une structure. Et il y a un autre élément, c'est que pendant quelques temps, je suis parti aux États-Unis, et qu'aux États-Unis, en fait, sur chaque discipline artistique, les créateurs, créatrices sont accompagnés d'agents. Donc, énormément d'agents littéraires, bien sûr, en bande dessinée. Et ayant travaillé comme co-agent avec certaines structures américaines, c'est là aussi où j'ai pu emmagasiner encore plus une certaine expertise. Donc, ça se développe un tout petit peu, je veux dire, sur l'apprentissage de ce métier, parce qu'en parallèle aussi de mon métier d'agent littéraire, donc j'interviens dans différentes universités, et il y a de plus en plus de modules sur ce métier-là. Donc c'est quelque chose qui se développe quand même de plus en plus. D'accord. Donc, comme vous l'avez dit, vous avez travaillé donc avec la maison d'édition Pika, donc une maison d'édition de manga. Oui. Et Vu que nous sommes dans les maisons d'édition japonaises, les mangas, je pense que nous pouvons dire que les mangas se démocratisent de plus en plus en France et dans d'autres pays du monde. Donc, qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous êtes fier de voir que le manga se fasse connaître de plus en plus ? Ah oui, non mais là, c'est un processus qui est, voilà, pour le Japon, c'est un soft power. C'est incroyable, mais moi je vous dis, c'est que c'était quand même impressionnant, c'est que les personnes qui s'occupaient des droits de Kodansha, donc c'est un peu le Casterman japonais, entre guillemets, c'était pas de choses il y a 7 ans, mais ils nous disaient, on comprend pas le succès des mangas en dehors du Japon, parce que ce qu'il faut voir, c'est que les créateurs, donc les mangaka, en aucun cas, ils se sont dit, on va créer des histoires, des Naruto, des One Piece, des Fairy Tail, pour des lecteurs français dans les Ardennes, dans les Vosges, etc. Pour eux, c'était vraiment spécifique au Japon. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a plusieurs pionniers, entre guillemets, l'espèce de Christophe Colomb du manga, donc il y a Jacques Léna, il y a Pierre Val, Serlin Kahn, les fondateurs de Pika, il y a Dominique Verret de Toucan. Et c'est toutes des personnes qui ont pris des risques et qui se sont dit, tiens, on va essayer de proposer des mangas en français. Donc c'est ça qui est impressionnant, c'était un risque, et cette prise de risque, en fait, ça a fonctionné. En français, alors, il faudrait modérer avec la Chine, mais le second marché après manga, après le Japon, c'est l'espace francophone. Mais on peut se balader partout et on peut se retrouver dans le Costa Rica, en pleine forêt au Costa Rica, on va croiser un ado avec un t-shirt de Naruto. C'est ça qui est impressionnant, c'est que le nom Naruto, même sans avoir lu un manga, tout le monde connaît, arrivera à reconnaître en général le personnage de Naruto. Donc ça, c'est très impressionnant, et en fait, moi, c'est ce que j'ai toujours essayé de garder en tête, et que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que les projets que j'accompagne, j'essaye de voir, alors on n'a aucune certitude, mais de trouver des projets qui pourraient fonctionner dans différentes langues. Donc, dernièrement, Saint-Réen, il est publié en 14 langues, dont le japonais. Donc c'est ça, moi ce que j'ai retenu des mangas, je suis pas capable d'accompagner, parce que c'est très complexe, des séries shonen ou shoujo, c'est-à-dire vraiment pour ados, que ce soit aux filles garçons, mais j'ai essayé de garder en tête les ingrédients du qu'est-ce qui faisait que ça fonctionnait à l'étranger, en dehors du Japon, je veux dire. D'accord. Et le Nicolas Grivel enfant, qu'aimait-il lire ? Ben en fait, moi je suis fan de Tintin, donc, que j'ai lu et relu, et que ça fait... et le dessin animé aussi, mais c'est vrai que ça fait un peu... je crois qu'Hergé avait eu une question un jour où un enfant lui a écrit en disant je suis en désaccord avec le dessin animé parce que je reconnais pas, c'est pas la voix que j'ai de Tintin. Du capitaine Haddock. Et ça m'avait toujours fasciné. Non, gros lecteur de Tintin, Johan et Pierre-Louis, des productions de Dupuis, des choses assez classiques, en fait, enfants. Hein. Donc, ce qui se passait, c'est que la visibilité, c'est pour ça que essayer de faire des rencontres autolis, c'est pour montrer la diversité de certains titres bande dessinée, c'est que l'accès que j'avais enfant à la bande dessinée, c'était surtout sur les supermarchés, bien sûr, il y a quelques librairies, la médiathèque, mais c'est vrai que c'était surtout des classiques de la bande dessinée franco-belge. D'accord. Avant d'aller plus loin, je vous propose de nous lancer dans une première fréquence, dans un premier son que vous avez choisi. Nous allons écouter Gorillaz avec Fatoumata Diawara et leur titre « Désolé ». Et on se retrouve juste après. retour sur Radio Gemozo. Vous êtes toujours dans l'émission Fréquence Libre. Vous venez d'écouter Gorillaz et Fatoumata Diawara avec leur titre Désolé. Nous sommes toujours en compagnie de Nicolas Grivel, agent littéraire. Ça va toujours ? Oui, toujours bien. Non, j'aime beaucoup ce morceau de Damon Albarn et de voir qu'il tente des expérimentations avec différents pays. C'est vraiment quelqu'un qui est brillant. C'est vrai. Donc, étant donné que vous êtes spécialisé dans la bande dessinée, avez-vous un genre de bande dessinée de prédilection ? Je crois que ça reste quand même la bande dessinée du réel, qu'elle soit autobiographique, de reportage. Je pense même si elle peut avoir quelques points, quelques pourcentages de fiction, je crois vraiment au fait que la bande dessinée peut informer et peut marquer d'une manière assez forte par l'image ou la séquence. Encore une fois, sur des projets qui sont en cours sur 2021, il y a un livre qui traite du diabète de type 1 par une journaliste qui est diabétique. Et je trouve que... On peut parler encore une fois de tout. J'adore énormément, bien sûr, la science-fiction, l'héroïque fantasy, mais je crois que l'ancrage dans le réel, le fait de rencontrer des personnes, de faire parler aussi des personnes qu'on n'entend pas, qui sont invisibles ou silencieuses, c'est vraiment des choses qui m'intéressent énormément en tant que lecteur et forcément en tant qu'agent littéraire par rebond. D'accord. Concernant le marché de la bande dessinée, avez-vous un marché que vous préférez par rapport à un autre ? Par exemple, le marché chinois, le marché japonais, le marché français, etc. Et pourquoi préférez-vous ce marché ? Alors, moi, j'essaye de vendre des droits dans tous les pays. Donc, celui qui est le plus dur et en même temps fascinant, ça reste le marché nord-américain. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que un lecteur, donc un passionné de bande dessinée, il aurait une langue à connaître pour vraiment parcourir le plus de bandes dessinées de par le monde, c'est la langue française. D'accord. C'est que chaque année, il y a à peu près 4 500, 5 000 nouveautés qui sont des ouvrages d'auteurs français, québécois, suisses, belges, etc., plus des traductions venant du Japon, de Russie, etc., etc. Mais du coup, en anglais, en fait, on retrouve vraiment moins d'ouvrages. Donc c'est vraiment la langue, et les États-Unis et le Canada ont vraiment, j'essaie de passer énormément de temps pour essayer de convaincre les éditeurs. Après, en Europe, en fait, vous avez le marché allemand est assez... en essor, c'est très dynamique, en Italie également, en Espagne également, et en Asie, ben en fait, tout dépend du pays, la Corée du Sud, donc c'est beaucoup d'ouvrages qui sont traduits, à chaque fois il y a un côté, il faut apporter quelque chose de didactique, au Japon c'est comme je dirais un marché perdu, parce que il y a pratiquement tous les ouvrages au Japon sont pré-publiés dans des magazines de manga, donc c'est très compliqué. Il y a des contre-exemples, il y a des personnes qui travaillent aussi en direct avec les éditeurs et les magazines japonais. Et la Chine, c'est assez particulier parce que la Chine, bah, en fait, l'édition chinoise de bande dessinée est à l'image de la censure du pouvoir du parti communiste chinois. Donc il y a certaines thématiques qui ne peuvent pas être proposées en Chine continentale. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que au final d'essayer de trouver des éditeurs dans les différents pays, c'est aussi entre guillemets d'essayer de se renseigner au mieux sur les pratiques culturelles, les sociétés et la géopolitique de chaque territoire, de chaque bassin linguistique. Au Brésil, par exemple, c'est pas les mêmes attentes. On cherchera pas forcément les mêmes ouvrages par rapport au passé du pays. Donc c'est ça qui est intéressant dans ce métier, que ça permet aussi de voyager et de rencontrer sur des différentes foires, salons, même si depuis un an c'est une année blanche de déplacement. Malheureusement. Mais le contact se fait d'une autre manière. Mais en tout cas, ça ne m'affranchit pas le fait de toujours regarder, pas, Courrier International, Le Monde ou les revues spécialisées selon les pays, pour essayer de vraiment de voir ce qui se passe dans certains pays. D'accord. En faisant mes recherches en amont de cette émission, j'ai remarqué que vous avez rapidement placé un ouvrage plutôt original et en 3D intitulé Jim Curious. D'après vous, qu'est-ce qui lui vaut ou qu'est-ce qui lui a valu un tel succès ? En fait, déjà, c'est vraiment le travail des éditions 2024 et de Mathias Picard, le dessinateur et l'auteur de Jim. Il se décline en deux volumes. En fait, c'est un ovni. C'est un ovni déjà sur... c'est entre une bande dessinée, un album jeunesse, et le fait de pouvoir le découvrir à deux avec les lunettes en 3D. Et c'est pas uniquement parce qu'il n'y a pas de texte, mais en fait ça a plu très rapidement un peu partout dans le monde. Ce qui s'est passé, c'est que il y a une temporalité sur la représentation de droits, c'est un peu comme dans la mode. Mm-hmm. Et en fait, il y a la foire de Francfort qui est au mois d'octobre. Et là, il y a eu un peu de chance, c'est que je suis parti sur la foire, les personnes de 2024, Olivier, Simon venaient juste de recevoir un exemplaire. J'ai pu faire la foire avec l'exemplaire. Et une fois que les personnes avaient des lunettes, et le livre ouvert, ça a tout de suite plu. Et là, en fait, les éditeurs, ça fonctionne selon les différents en domino, c'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui le fait en Allemagne, vous avez des chances d'avoir quelqu'un en Italie, en Espagne, au Portugal, etc., etc. Et à chaque fois, ce qui fait ciment, c'est une publication aux États-Unis. C'est pour ça aussi que je vous disais tout à l'heure que le challenge, entre guillemets, c'est d'avoir une publication en anglais. Parce que c'est un signal que vous envoyez à tous les éditeurs de par le monde par rapport au fait d'avoir obtenu un contrat en anglais. Donc Jim, c'est vraiment, je crois que c'est dans 16 ou 17 territoires, Taïwan, Chine, Mathias Picard est parti un peu partout dans le monde. Moi je suis parti avec lui, c'était sur une exposition en Chine. Mais il a pu voyager un peu partout et le volume 2, entre guillemets, c'est pas exactement une suite, vient de sortir aux États-Unis par exemple. Donc c'est une aventure qui continue pour Mathias 2024 et Jim Curious. Ça c'est beau. Et ils sont basés à Strasbourg. D'accord. Justement, est-ce que c'est cette innovation, donc la BD en 3D, qui vous a donné envie de vous investir dans cet ouvrage ? Moi, encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est que c'est d'avoir des titres très différents dans la liste. Par an, je défends à peu près entre 15 à 25 projets par an. Et ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une liste très diversifiée. Et comme ça, je peux contacter des éditeurs très différents. Ça peut être des éditeurs qui sont teintés vraiment connus pour être sérieux en histoire ou en essai, ou d'autres, c'est plutôt dans le livre-objet. Et c'est vraiment ce qui m'intéresse et ce qui m'avait plu sur Jim. C'est un titre qui était fort et que j'avais pas encore pu représenter ce type d'ouvrage. Donc c'est vraiment, c'était aussi ça, cette démarche-là. D'accord. Donc chaque pays, on peut le dire, a son propre marché. Qu'est-ce qui fait, d'après vous, qu'un marché fonctionne mieux qu'un autre ? Ah, je pense que c'est une histoire de décennies. Hein, sur l'espace franco-belge, on a beaucoup de chance. Hein, c'est-à-dire que quand je vais en Russie, en Serbie ou dans d'autres pays ou en Amérique centrale, les personnes vous diront qu'ils sont, entre guillemets, impressionnés par la richesse de la bande dessinée en France et en Belgique, parce que, encore une fois, je vois, si on prend un exemple, dans chaque école primaire, au collège, au lycée, dans les bibliothèques de chaque école, on va retrouver de la bande dessinée. De Bien plus sûr. En plus, dans des manuels d'histoire, on va peut-être illustrer certains passages de guerre ou d'autres faits par la bande dessinée, Astérix par exemple. Après, tous les ans, les personnes... rapport général. Mmh. Donc du coup, on est vraiment entouré par la bande dessinée parce que il y a des titres forts. Astérix, c'est plus de 2 millions d'exemplaires par an. Tintin et plus, tout ce fond, cet arrière-plan de classique a été adapté dans différents supports, en film, en dessin animé, etc. Donc on a une chance et qu'en plus, on a un réseau universitaire des écoles d'art qui soit forme des personnes à devenir dessinateurs, dessinatrices, ou soit des personnes qui forment à devenir libraires spécialisés en bande dessinée ou éditeurs spécialisés en bande dessinée, ou journalistes qui seraient spécialisés dans cette partie-là. Donc du coup, c'est vraiment une chance, tout n'est pas parfait sur l'espace franco-belge, mais on peut dire que, entre guillemets, on a plus de force que en Russie, où dernièrement c'était lors d'un débat, les personnes me disaient, mais nous, on n'a pas grandi avec autant de bandes dessinées. C'est qu'il n'y avait pas autant de bandes dessinées à l'école, etc. Donc forcément, ce retard-là, c'est le retard sur une génération. Donc ça prend énormément de temps. Bien sûr, oui. Donc le métier d'agent littéraire, c'est un métier très enrichissant, très intéressant. D'ailleurs, nous comprenons bien que vous êtes un véritable passionné par votre métier. Mais comme tous les métiers, je suppose qu'il existe des points noirs, des choses moins plaisantes. Donc, quels sont, d'après vous, ces points noirs ? Oui, il y a, c'est que on est quand même toujours sur... quand vous devez de trouver un éditeur sur un projet qui est en création, vous avez quand même le stress de savoir est-ce que vous allez trouver un financement assez fort pour pouvoir faire le projet. Si le financement n'est pas assez fort, c'est un peu comme dans le dessin animé ou dans les films, malheureusement, on abandonne le projet. Donc ça, c'est le point qui peut être délicat. Mmh. Après, c'est parfois, mais c'est un reproche qui est facile à faire, hein. Je ne suis plus éditeur. C'est parfois, c'est sur la prise de risque, parfois des éditeurs. Parfois, il y a une prise de risque qui est peut-être parfois trop en contrôle. Donc, alors que si on regarde, tous les grands succès, en général, c'est une prise de risque qui était assumée. Donc voilà, si j'aurais à pointer deux parties, c'est ceci. Mais après, entre guillemets, ces deux défauts, ça s'équilibre, même beaucoup plus qu'un équilibre. C'est un enrichissement de pouvoir rencontrer, travailler, développer avec des personnes venant du monde entier, qui n'ont pas forcément toujours les mêmes idées sur la vie en général, et ça, c'est, je trouve que c'est une richesse. Et puis, c'est vrai que personnellement, grâce à ce type de rencontre, moi, j'apprends énormément sur mon métier, mais aussi sur moi. Donc ça garde toujours, il y a une fraîcheur. On n'a pas l'impression que chaque année, on va refaire la même chose. Parce que forcément, chaque projet est différent, chaque angle utilisé par un auteur sera totalement différent également. Donc c'est ça qui permet et qui est très rafraîchissant dans ce métier. Après, si j'oublie la partie là sur ce qui peut être entre guillemets un peu frustrant, c'est que vous pouvez avoir, l'auteur, l'autrice peut avoir réalisé un ouvrage magnifique et l'éditeur un accompagnement très très fort. C'est pas à 100% sûr, tout le monde le sait, que ça va se traduire par un succès en librairie. Donc c'est ça aussi qui est parfois difficile parce que c'est du temps. Le temps de création d'une bande dessinée, on est sur des temps longs, et que là, en ce moment, il n'y a pas exactement de seconde chance pour la vie d'un ouvrage. Et ce qui peut être difficile, c'est que parfois, c'est parce qu'on arrive trop tôt ou trop tard. Donc, il y a une part de chance, bien sûr. Bien sûr, oui. Avant de poursuivre cette émission, il est 14h15. Presque 46, je vous propose de nous lancer dans une deuxième fréquence, comme j'aime à les appeler, un deuxième son que vous avez choisi toujours, et ça sera Sharon Van Etten en duo avec Norah Jones et leur titre 17, et bien sûr, comme d'habitude, on se retrouve juste après. Sur Radio Guémozo, vous êtes toujours dans votre émission Fréquence Libre. Vous venez d'écouter Sharon Van Etten en duo avec Norah Jones et leur titre 17. Nous sommes toujours en compagnie de Nicolas Grivel, agent littéraire. Ça va toujours ? Toujours, tout va bien. Donc, vous étiez installé à New York pendant quelques années ? Oui. Et pourquoi avez-vous choisi cette grande ville américaine ? En fait, après être parti des éditions Picard, Donc j'ai voulu vraiment mettre en avant donc des titres de bande dessinée européens publiés soit en français, en allemand, en italien, pour essayer de trouver mes maisons d'édition en anglais. Et en fait, la ville qui a le plus d'éditeurs donc aux États-Unis, c'est la ville de New York. Donc c'est aussi pour aussi se changer. C'était un changement de vie aussi, un choix aussi de casser un peu une routine qui s'était installée chez Pika. Et donc du coup, New York, c'est une ville qui s'y prête bien, parce que c'est un carrefour, encore une fois, où vous pouvez rencontrer énormément de personnes. Et donc c'est ça qui m'a beaucoup servi aussi par la suite et qui me sert énormément. C'est qu'au fur et à mesure, j'ai vendu des droits en anglais dans des structures-là. Les éditeurs européens se sont dit, Nicolas, on peut te confier d'autres droits en représentation. Et les éditeurs américains, étant très pragmatiques, m'ont aussi demandé de faire dans l'autre sens, donc de trouver des maisons d'édition pour leurs bandes dessinées en italien, en français, en allemand, etc. De plus, New York, c'est une ville qui regorge de raconteurs d'histoire. Chacun a sa propre histoire. Ça commence dès le matin, vous allez dans un café, quelqu'un va vous raconter une histoire qui est la sienne. Et c'est une ville aussi qui regorge énormément d'artistes et de dessinateurs et dessinatrices. Donc, de cette expérience-là, en fait, c'est pas exactement la queue de la comète en ce moment, mais j'ai encore des liens très très forts avec des artistes, que ce soit scénariste ou dessinateur, que je continue à travailler avec eux grâce à cette expérience new-yorkaise. D'accord. Malheureusement, la BD et le roman graphique, donc votre outil de travail, on va dire, sont sujets à des stéréotypes et des préjugés. Donc comment expliquez-vous ces stéréotypes et qu'auriez-vous à répondre à ça? Vous savez, dans les mangas, si je prends l'exemple des mangas, pendant des années, on a pensé que les mangas étaient violents, avaient un rapport à l'image, et l'interprétation des images, rapport au sexe qui était dérangeant. Si quelqu'un peut lire « Quartier lointain » de Jiro Taniguchi, on va être à des années-lumière de tout ceci, ou « L'homme sans talent » de Tsuge, ou des mangas de Shigeru Mizuki. Donc tout ce qui est aussi sur la bande dessinée, je pense que c'est quelque chose de pédagogie, c'est toute une pédagogie, à mettre en place de nouveau, à travers des écoles, et c'est déjà le cas, mais je pense que des œuvres comme celle de Tardy, d'autres auteurs, vont être de plus en plus étudiées à l'école. Donc la guerre, c'était la guerre des tranchées, une partie de cette histoire avait été publiée par les éditions Pèlerin d'Épinal. Pour moi, c'est un classique, mais bien au-delà de la bande dessinée, et ça permet de montrer l'horreur de la guerre de 14-18. Donc, en fait, les clichés, c'est un peu comme tout, les clichés, les stéréotypes, en prenant le temps de faire de la pédagogie et en proposant, si les personnes le souhaitent, la lecture, ce type de lecture, les stéréotypes et les préjugés volent en éclats très rapidement. Donc, quelqu'un qui va lire, Alison Bechdel, ou Art Spiegelman, c'est des récits parfois qui vont amener jusqu'à l'émotion pure, où les lecteurs vont pleurer, vont être tellement touchés, et avant ils se disaient non, ça peut pas fonctionner avec une bande dessinée. Donc c'est vraiment tout, c'est juste une question de proposer les bons projets aux personnes et de susciter la curiosité de ces personnes-là. Et à partir de là, tout ce qui est stéréotype, cliché, où la bande dessinée c'est uniquement pour les enfants, tout ceci s'efface au fur et à mesure. D'accord. Donc il est 14h56, nous allons arriver à la fin de cette émission. Est-ce qu'il y aurait des choses que nous n'aurions pas abordées mais qui mériteraient selon vous d'être abordées? Non, c'est déjà, Chris, je voulais vous remercier pour l'invitation sur l'émission. Non, j'encouragerais, c'est déjà le cas, chaque personne, lecteur, lectrice, d'aller en librairie, de faire participer les libraires, quel que soit le lieu géographique où les personnes habitent, de faire confiance au conseil des bibliothécaires, des libraires, de regarder également qu'est-ce qu'on propose aussi, de susciter une curiosité et que le plaisir de lecture des bandes dessinées ou des romans graphiques vous le rendra bien. Parce que en ce moment où on ne peut plus trop voyager déjà à l'étranger, où on ne peut plus aller au cinéma, où on n'a plus accès à des concerts, et bien en fait, la bande dessinée, le roman graphique, c'est un échappatoire, que ce soit en autobiographie, on peut apprendre des choses sur soi aussi, en documentaire, en reportage, en science-fiction, on peut développer notre imaginaire, et que pour lutter contre la morosité ambiante, je pense que la bande dessinée est un bon vade-mecum. D'accord, eh bien, je pense que le message est passé. Donc, l'émission arrive déjà à son terme. Merci Nicolas Grivel d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci à vous, Chris. C'est moi qui vous remercie. Quant à nous, nous nous retrouvons demain après-midi à 14h en direct toujours pour le troisième numéro de Fréquence Libre en compagnie d'Arek Isanda, dessinateur, illustrateur et peintre. Cette émission sera rediffusée également demain, mercredi à 18h. Je vous laisse d'ici moins de 2 minutes en compagnie de l'équipe de Memento Mori à 15h du coup pour leur émission dédiée au métal. En attendant, nous vous souhaitons une bonne journée. Merci de votre fidélité à Radio Gemozo. Et je vous dis, du coup, à demain. Bonne journée à toutes et à tous.